de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Écrire l'amour, une série documentaire de Virginie Bloch-Lenné réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a un sentiment universel et banal qui est la base de la plupart des récits. Ils s'aiment et puis un jour ils ne s'aiment plus. Ou alors ils s'aiment mais ils ne peuvent pas être ensemble. Ou encore ils l'aiment mais elle en aime un autre. Ou enfin ils s'aimèrent pour toujours, etc., etc. Mais il y a aussi ce plaisir de lire des histoires d'amour alors qu'écouter le récit d'un amoureux transi est souvent une corvée. Mais alors il y a cette question. Comment les écrivains s'attaquent à cette face nord de l'écriture qu'est l'amour et comment ils utilisent ou pas ce qu'ils ont vécu? La rencontre hier, la symbiose et aujourd'hui l'eau dans le gaz. Alors pour commencer, les personnages. Une autrice qui n'est pas sensible à la jalousie, un autre qui se souvient l'avoir été, la voix de Romain Gary et celle de Mauriac, un écrivain qui sait se faire désirer, un autre qui scrute la dispute, un auteur qui pense à la vulnérabilité et un autre qui rompt pour échapper à la dispute. Ensuite le décor, des fêlures irréparables, des vers d'Apollinaire, d'autres de Racine, de la jalousie et de l'infidélité, l'habitude comme une douceur ou comme un poison, la passion intenable, la voix d'Agnès Jaoui et celle de Jean-Pierre Darroussin. Aujourd'hui, troisième épisode, les couleurs commencent à passer. Même au plus profond de l'amour, l'homme et la femme n'ont pas de fraternité. Romain Gary. Le drame des hommes et des femmes. En dehors des situations d'amour, en dehors des situations d'attachement profond, est une sorte d'absence de fraternité qui fait que parler sur ce qu'il y a de profond, de dangereux, de menaçant leur est totalement impossible. Et vous avez des couples qui finissent une vie sans avoir parlé de ce qui les sépare et de ce qui aurait pu leur être épargné par des conversations. Aime-moi. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Où ça? Dans la rue. Please. Raconte. Please. L'amour et les écrivains. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Pendant l'amour. Pendant l'amour. On se sent tellement menacé. C'est-à-dire le problème, c'est quand on est amoureux, c'est qu'on est dans un état de vulnérabilité immédiat. Donc tout nous... On sent qu'on est tellement à vif ou tellement vulnérable. C'est vraiment le mot que... Grégoire Bouillet. Qu'on prémédite la catastrophe, on la voit, voire on l'invente pour pouvoir se débarrasser en fait, de cette oppression d'être dans un état amoureux. Donc, et la jalousie est un excellent poison pour ça. Il y a un excellent remède aussi. C'est-à-dire que la personne jalouse n'arrête pas de dire à quel point elle est vulnérable à l'autre, que l'autre lui échappe, que l'autre la menace en permanence, voilà. Et non, moi je suis assez vieux maintenant pour pas du tout avoir peur du passé de l'autre, au contraire, parce que je pense qu'il enrichit, enfin si l'autre est qui il ou elle est à ce moment-là, ça vient aussi de toute son expérience passée, de tout ce qu'il est. Est-ce que vous aimez lire, Agnès de Sartre, des livres sur la jalousie? Je me souviens qu'à un moment, j'ai lu volontairement un livre sur la jalousie. C'était la sonate à Kreutzer, qui est vraiment presque un essai. Il est maigre. C'est un livre qui est entièrement bâti autour du sentiment et comme une exploration du sentiment presque à sec, quoi. Je l'avais lu pour ma propre édification parce que la jalousie est un sentiment que j'ai jamais très bien compris. Et que j'éprouve, je peux l'éprouver de manière furtive, mais je vois qu'il ne m'intéresse pas assez. Je n'ai pas tellement d'empathie pour le jaloux. J'ai toujours envie de dire, oh, tu crois que tu t'intéresses à ça, mais en fait tu t'intéresses à autre chose. J'ai toujours l'impression que c'est un sentiment qui cache autre chose. et qu'on est dans une sorte de premier degré ou une souffrance presque tellement archaïque que je sais pas, je la soupçonne d'être terriblement auto-centrée. Et donc le soi ou le moi du jaloux m'ennuie parce que c'est solipsiste, ça tourne vers l'intérieur, ça tourne vers le dedans. Et c'est vrai que je pense que je suis plus sensible aux grands espaces. Et pour moi, le jaloux, c'est comme un trou noir, ça aspire tout ce qui... Et donc je m'ennuie assez vite. Et puis, je trouvais, d'une certaine manière, je me suis dit, une fois que j'ai lu la sonate à Kreutzer, je me suis dit, bon, il a tout dit sur la... Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Je ne sais pas. Et je trouvais que c'est bon, c'était réglé. Ça ne m'a pas donné ensuite l'envie d'aller lire la littérature de la jalousie. Je n'ai pas l'impression que c'est un corollaire du sentiment amoureux, par exemple. C'est-à-dire que ça fait partie des choses qui se disent et qui s'entendent. Qui aime est forcément jaloux. Alors, il y a un très beau vers... C'est dans Andromaque. C'est infidèle. Ne se croit infidèle que qui se sait aimer. Mais pour vivre un jour d'été, lorsque l'hiver s'est installé et que votre cœur s'est glacé, il faut aimer. La sonate à Kreutzer. Je crus que nous nous étions querellés, puis réconciliés et que cela ne se reproduirait plus. Mais dès cette première lune de miel survint bientôt une autre période de satiété. Nous cessâmes de nouveau d'être utiles l'un à l'autre. Il y eut une nouvelle dispute. Cette seconde querelle me frappa plus encore que la première. Ainsi la première n'était pas accidentelle, pensais-je. Il doit en être ainsi et cela recommencera. Cette seconde querelle me frappa d'autant plus qu'elle surgit sous le prétexte le plus invraisemblable. C'était au sujet de l'argent que je n'avais jamais épargné et que j'étais désormais bien incapable d'épargner pour ma femme. Je me rappelle seulement qu'elle tourna si bien la question qu'une réflexion anodine que j'avais faite se trouva être l'expression de mon désir de la dominer grâce à mon argent sur lequel j'avais soi-disant fondé mon droit exclusif. C'était insupportable, stupide, vulgaire, indigne d'elle et de moi. Je m'irritais, lui reprochais son indélicatesse, elle la mienne, et tout recommença. Je crois que c'est l'inquiétude qui est le principal grain de sable. Inquiétude à tort ou à raison, qu'elle soit justifiée ou injustifiée, c'est... Mathieu Berman. Un message qui tarde trop, une réponse à un texto qui tarde trop, qui va provoquer de l'inquiétude. Puis peut-être que quand on recevra la réponse, l'inquiétude va disparaître d'un coup jusqu'au prochain message qu'on attendra. Ou au contraire, peut-être, autre grain de sable, la lassitude quelque part aussi, ne plus attendre le message ou plus se dire bah tiens, il a mis une heure pour me répondre mais j'ai même pas fait attention. C'est peut-être aussi le grain de sable contraire. Même si peut-être que l'absence d'inquiétude, c'est quand même pas mal aussi, je trouve. Je pense que l'un des charmes voilà, de la rencontre aussi et des débuts des histoires d'amour, c'est qu'on ne sait jamais où ça va aller. Et donc ça crée de l'inquiétude. Et cette inquiétude, on en a besoin parce que c'est exaltant. Mais s'il y a trop d'inquiétude, peut-être que le péril est trop grand et la menace trop grande. Et après, on ne réagit pas de la bonne manière quand on est inquiet. L'inquiétude, c'est bien la paranoïa, ça devient trop compliqué à gérer, je pense. Dans les deux parties, gérer pour soi et puis l'autre, gérer la paranoïa de l'autre ou les angoisses de l'autre, s'il n'y a que ça, ça devient lourd, je pense, à gérer. Se mi fai parlare un attimo, allora io ieri sera ho telefonato. Facciamo una cosa, guarda. Le principal grain de sable, c'est quand on se met à ne plus faire confiance à l'autre. On se mine la vie et on mine le lien qu'il y a entre ces personnes. Quello chi è? Chi è quello là? Oi, torna! Oh, oh, quello chi è? Dimmi subito quello che... Non... Che... No, che... Parla! Mathieu Berman, quel âge avez-vous? J'ai 31 ans. Le couple de votre roman, Mathieu Berman, il ne s'entend plus. Enfin, ça ne marche plus. Pourquoi? Je ne sais pas s'ils ne s'entendent plus. Je crois que un des problèmes, peut-être, c'est qu'ils continuent de s'entendre. Et donc, du coup, il y a toujours un couple. Parce que c'est un couple qui est assez libre et qui s'autorise à aller voir ailleurs, on peut le dire comme ça. Mais d'ordinaire, chaque personnage taisait ce qui se passait en dehors des frontières du couple. Et là, tout d'un coup, la compagne du narrateur lui présente quelqu'un que manifestement elle aime bien. Et pour elle, donc, ça doit être sans doute important de présenter au narrateur. C'est une marque de confiance aussi, une intimité partagée. Mais ça perturbe beaucoup le narrateur qui ne voudrait pas être jaloux et qui malgré tout l'est et qui lutte contre cette jalousie. Et justement, s'ils ne s'entendaient pas, ça serait simple. Peut-être qu'ils se sépareraient, mais le problème, c'est, ou la chance qu'ils ont, c'est qu'ils continuent de s'entendre malgré tout et qu'ils ont envie de poursuivre leur histoire sous une forme qui va peut-être évoluer, mais qui le lien perdure. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est les liens qui perdurent, qui durent malgré tout, quelle que soit la forme qu'ils prennent. Estoy harta de ser buena. Est-ce que sur la fidélité, il y a beaucoup à dire? Vous savez, la fidélité... Régis Geoffrey. Vous voulez dire que les gens doivent être... doivent être, oui, vous saurez. Je ne sais pas si l'infidélité, c'est ce qu'il y a de plus grave en amour, je ne crois pas. Je crois d'ailleurs que la chose la plus grave dans une histoire d'amour, c'est quand vous quittez la personne. C'est pire que d'être infidèle. Donc la fidélité, moi je pense que c'est une question de personne. Il y a des personnes pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Et puis surtout, la fidélité sur le plan sexuel, la fidélité sexuelle. Moi, vous savez, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus parce que moi, je peux être fidèle ou infidèle. Ça dépend de l'accord entre les deux personnes, en réalité. C'est pas très important. C'est quelque chose d'intime, la fidélité. C'est entre deux personnes. Est-ce que l'infidélité va être une trahison par rapport à l'autre personne? C'est plutôt ça qui se pose comme question. C'est pas tellement l'infidélité, c'est la trahison. Vous avez des histoires d'amour où la moindre infidélité sera une trahison. Donc, on est dans la trahison, et la trahison, bien entendu, c'est l'horreur. Dans d'autres cas, ça ne le sera pas et ça ne sera rien. L'infidélité, moi je ne pense pas que d'être fidèle, ce soit quelque chose d'extrêmement ni pénible, ni difficile, ni méritoire. Parfois, la fidélité peut faire capoter une histoire d'amour aussi. Parce que, à force de tout demander à l'autre, à force de ne respirer que l'oxygène de l'autre, peut-être que l'histoire va s'asphyxier. Mais c'est pas le cas dans tous les cas. Donc, écoutez, je crois que c'est chez Marguerite Duras où elle dit la solitude, vous savez, c'est très personnel, la solitude. Et moi, je dirais, l'infidélité, vous savez, c'est très personnel, l'infidélité. C'est personnel. Il y a toujours un rapport de force, Sergent Court, dans un couple? Il peut y avoir un moment quand il y a un incident, une perte de boulot, ou même un accident physique, un peu pas physique. Enfin bon, là, il s'instaure autre chose, quoi. C'est-à-dire que C'est-à-dire que la relation, là, elle est comme mise à l'épreuve. Sinon, au quotidien, ben voilà, il y a peut-être il y a toujours un rapport de force. Mais après le rapport de force, peut-être que voilà, le type aura le dernier mot quand ils sont dans la voiture, dans l'embouteillage, mais finalement, c'est la femme quand même qui a décidé de par où on passe. Et puis une fois à la maison le soir, c'est elle qui va décider qu'on mange à 20h et pas lui. Enfin bon, c'est une négociation permanente. Après, c'est pour ça que c'est conflictuel, hein, un couple, hein, je crois, enfin, il me semble. Non, j'allais dire, je ne vous l'apprends pas. Non, mais c'est une... voilà, c'est une négociation permanente. Et en tout cas, il faut que ça se passe comme ça. Il n'y a pas définitivement le rôle d'un adjudant et puis d'un colonel. Non, mais par moment, voilà. C'est... Là, le type n'a plus d'argent parce que son film n'a pas marché. C'est un peu la femme qui le consolide. Et à partir de quoi? Et alors qu'avant, c'était l'inverse. Donc, ça arrive à tout moment. Hein. Il suffit d'un tel qui a un accident de scooter immobilisé pendant 3 mois. Il travaille plus, il est complètement, c'est un cas un peu extrême, mais ce rapport de force-là, il existe, c'est-à-dire devenir tributaire presque de l'autre. Enfin, moi j'ai toujours eu un peu le projet de faire des romans qui soient polygenres, multigenres, c'est-à-dire que Repose-toi sur moi, c'est un roman, alors c'est pour ça qu'il y a parfois mal entendu, mais pas ça peut être une romance, hein. Titre. Oui. Je l'ai choisi un peu à dessein pour tromper un peu là-dessus. Alors qu'en fait, moi, je voulais faire un roman sur l'argent, finalement. Quand d'un coup on s'embrasse, c'est que vraiment, on n'en peut plus de cette distance. Même collés l'un à l'autre, on a la sensation d'être encore trop loin, pas assez en osmose. De là vient l'envie de se fondre, de ne plus laisser d'espace. C'est elle qui prit l'initiative. Il avait des lèvres tellement charnues et douces qu'elle n'eut même pas le temps de se demander ce qu'elle faisait. Elle n'eut pas le moindre mouvement de recul, tellement elle les voulait encore, ses lèvres. Elle se plaqua contre l'arbre. Elle était éperdument exaucée, cette cour qui depuis des années lui donnait de l'énergie, cette enclave de sérénité. Voilà qu'elle allait jusqu'au bout de cette promesse. Pour une fois, elle était au cœur même de ce refuge qui la protégeait du monde. Il faisait nuit maintenant et dans l'obscurité, sous ses feuillages, tout était plus sombre encore, parfaitement caché. Elle sentit les mains de cet homme qui lui saisissait la nuque, puis les seins, comme s'il allait la soulever de terre. Elle ouvrit les yeux juste pour prendre la mesure du mirage, affolée une seconde par ce qui se passait. Elle avait encore le choix de la lucidité, de décider de tout arrêter. Mais elle repensa au mouvement de l'âme de cet homme, à ce plumeau dont elle s'était caressé le visage, ce plumeau comme une prémonition à cette étreinte totale. En étant aussi massif, il aurait pu lui faire mal, mais il contrôlait ses gestes. Elle se sentait le jouet d'une force, surprise et hébétée. Là, dans les bras de cet homme à la puissance conquise, elle se sentait légère, à deux doigts de l'interdit suprême. Embrasser un homme juste en bas de chez elle, faire ce grand pied de nez à sa vie et à tout ce qui la dédaignait. Mais ça sortit d'elle, sans qu'elle n'y puisse rien, elle s'entendit dire « C'est pas possible, c'est pas possible ». Qu'est-ce qui crée le vertige et la peur, Patrick Lapeyre, lorsqu'on est en couple depuis plusieurs années et que, a priori, l'un ne trompe pas l'autre? Bon, c'est l'état des sentiments. Il n'y a pas besoin de tromper l'autre pour ne plus l'aimer. L'autre a tout simplement l'impression douloureuse que son partenaire se retire, j'allais dire, de plus en plus dans son coin, s'isole. Ça peut être vertigineux aussi de sentir la solitude de l'autre qui devient quasi dépressif ou qui s'abrutit au travail. Il y a des tas d'attitudes de fuite dans un couple pour éviter d'être trop souvent ensemble. Quand on est amoureux, on veut être toujours ensemble et puis on veut voyager ensemble, par exemple. Le voyage, c'est un indice très important. Le jour où on ne fait plus trop de projets de voyage, où on perd cette envie d'être ensemble, là, quelque chose comme une fêlure, sans doute, est en train d'apparaître. On pourrait appeler ça la fêlure, c'est un joli terme. Il y a des fêlures dans les couples, évidemment. Alors, parfois, on surmonte, on fait avec, comme on dit, parce que, justement, il y a les enfants, parce qu'il y a plein d'enjeux sociaux, et puis parce qu'on tient, quand même, quelque part à l'autre. Non, le vertige vient de cette sensation de fêlure. Et c'est terrible, une fêlure, parce que ça ne se répare pas. Elle est là, à jamais. On ne peut pas revenir en arrière. Non, non, justement. Maintenant, dans la vie, il y a des moments où il y a un avant, comme on dit, et il y a un après. Pour tout, pour une joie comme pour une douleur. Ben, je veux dire, la comparaison aussi avec la littérature, ou avec d'autres arts, comme le cinéma, voir un film ou lire un roman... qui va nous bouleverser, pas nous bouleverser parce qu'on est bouleversé par les personnages, non, mais bouleversé parce que, comme disait Kafka, c'est un coup de hache dans ma glace intérieure. Bon, ben, en amour, c'est pareil, il y a on se glace, et puis tout à coup, il y a un coup de hache comme ça. Et je pense que c'est définitif, il faut apprendre à vivre en perdant ses illusions. Mais de toute façon, je pense que la sagesse, c'est ça. C'est quoi la sagesse? C'est apprendre ses limites, c'est tout. On vit dans l'illimité quand on est dans l'effervescence amoureuse des premiers mois ou des premières années. Et ensuite, on découvre qu'il y a une limite. Une limite de l'autre, une limite, sa propre limite aussi. Qu'on est deux individus illimités et qu'on est confronté à ça. On n'est plus dans l'infini amoureux. Et voilà, des fêlures apparaissent. Oh, ne pleurniche pas, ça ne sert à rien. Elles sont idiotes. The birds they sing at the break of day. Start again, I heard them say. Passed away, or what is yet to be. Moi, je pense que quand on aime quelqu'un, il n'y a pas de limite à l'envie du partage. Il n'y a pas de limite à cette envie-là. Il se trouve que, parce que la contingence, parce que l'autre n'est pas soi, parce que nous-mêmes, nous avons nos lacunes et nos faiblesses et nos limites, évidemment, nous n'arrêtons pas de trouver des limites à cette envie de partage. Mais l'envie de partage, elle est là. Et l'autre, à un moment donné, on lui dit un truc, l'autre le prend mal, le prend de travers, parce que de toute façon, c'est toujours la merde avec l'autre. Donc, de toute façon, voilà, on lui fait cadeau d'un truc dans une pure envie de partage, qui n'est pas une envie d'oppression, je précise bien, c'est pas balancer à l'autre ses merdes, c'est juste tisser avec lui un lien qui soit réel et qui n'exclut absolument rien. Et évidemment, soi-même et l'autre ne sommes pas aussi réceptifs qu'on aimerait. Donc l'autre nous renvoie ici, par exemple, à tel endroit, par exemple, on parlait du passé, par exemple. Ok, imaginons, j'ai aimé une femme avant, j'en aime une nouvelle, voilà, et alors ça va devenir un tabou de parler de cette femme que j'ai déjà aimée, voilà. Et moi, pour moi, ça ne pose aucun problème. Je sais qui j'aime aujourd'hui, mais pour la personne en face, ça remue quelque chose qui lui appartient, qui n'a certainement rien à voir ni avec moi, ni avec cette femme que j'ai aimée, mais pour elle, c'est insupportable. Et là, il y a quelque chose qui arrive dans la relation à deux, qui est nos névroses. Voilà, et ces névroses... Le grand risque qu'il y a entre les hommes, enfin, entre les gens qui s'aiment, c'est que la névrose devienne dominante. C'est-à-dire que dans la relation à deux, d'un seul coup, c'est la névrose de l'un ou de l'autre qui va occuper le point central autour duquel les deux vont graviter. Voilà. Et si on n'y prend pas garde, je pense que c'est ça le rapport au temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la névrose de l'un est devenue centrale, le couple fonctionne autour et gravite autour. Ok, on ne va jamais parler de cette femme que j'ai pu aimer, d'accord, c'est ok. Cette névrose, elle est beaucoup trop forte, ton angoisse est beaucoup trop forte, et à partir de là, c'est cuit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce sera cuit. Il y a quelque chose qui va s'effilocher parce que une limite a été posée. Cette limite, elle a du sens pour l'un, mais pas pour l'autre. Et elle va devenir ce autour de quoi enfin voilà, c'est comme une porte qui se ferme, quoi. Donc voilà, une porte se ferme. Alors on peut absolument la surmonter, mais si on a une deuxième, et puis si on a une troisième, et à la fin on vit dans un tout petit réduit, et il reste plus rien. Les amours perdus ne se retrouve plus. et les amants délaissés peuvent toujours chercher les amours perdus ne sont pas loin pourtant car les amants délaissés ne peuvent tout oublier tous les serments de cœur tous les serments d'amour. Je crois que les amours qui ne marchent pas sont très souvent des amours où on s'est trompé sur son désir. C'est une des questions les plus redoutables que peut nous poser un psychanalyste, ou du moins nous amener tout à coup à la conscience qu'on s'est peut-être effectivement complètement trompé. C'est pour ça qu'on pourrait dire méchamment, en amour, on a ce qu'on mérite. Mais c'est méchant de le dire, surtout aux gens malheureux, qui ensuite vous en veulent horriblement. Mais je le pense. Je le pense au sens où, même si je sais très bien que des gens sont victimes du narcissisme pervers de leur conjoint ou je ne sais quoi, ils n'avaient pas à se tromper au départ. Et c'est ça qui me fascine complètement. C'est pour ça qu'en dehors de la scène sexuelle, je pense que l'une des choses les plus fascinantes, c'est la scène d'attraction. Je me souviens d'une interview de Gérard Philippe, donc ça remonte à longtemps. Et Gérard Philippe, qui était donc ce bel homme charismatique, solaire, que toutes les femmes rêvaient d'aimer. Bien, Gérard Philippe, une fois, avait dit « J'ai 100 femmes autour de moi qui rêvent de jeter dans mes bras et de m'embrasser. Et vous savez laquelle j'ai choisie ?» Alors tout le monde répond « La plus belle. » Il dit « Non, celle qui ne m'aime pas. » Au moins, après des années de souffrance, il avait compris d'où venait son problème. Mais oui, la scène d'attraction, c'est une scène fascinante parce que là, on est dans l'instinct brut. Qu'est-ce qui nous attire chez l'autre? C'est incompréhensible. Bon, il y a des affinités évidentes, mais ce n'est pas intéressant à ce moment-là. Si moi, professeur de philo, je suis attiré par ma collègue philosophe, bon, franchement, ce n'est pas passionnant. Ils vont parler de Kant au lit. Bon, le lecteur, il s'en fiche. Donc, on va pas, ce n'est pas des personnages qui sont intéressants. Non, ce qui est intéressant, c'est toujours des personnages qui n'auraient pas dû vivre ensemble et qui se retrouvent comme ça, par hasard, et puis par une espèce de loi de l'attraction amoureuse, se retrouvent tout à coup en train de coucher ensemble, de vivre, et qui parfois s'aperçoivent ensuite qu'ils se sont trompés. Dans La splendeur dans l'herbe, il y a un personnage qui s'appelle Homer. Homer dit à l'autre, celle qui deviendra un jour sa maîtresse, mais qui ne l'est pas encore, il lui dit que l'amour, c'est une question d'instinct animal. Il faut être aussi instinctif que les animaux. Et que ceux qui se trompent ont manqué d'instinct. On doit instinctivement deviner qu'un tel effet pourrait notre partenaire sexuel ou notre amoureux. Ou... Si on se trompe, c'est que voilà, on se trompe par défaut d'instinct. Qu'est-ce qu'elle dit ? Je parle pas plus l'anglais que toi. Il y a une demi-heure qu'on est là. Qu'est-ce que tu fabriquais? Ouais, j'ai eu un accident, c'est tout. Vous êtes jaloux, Nicolas Fargue? Ah, je l'ai été, bien sûr, oui. Oui, je sais ce que c'est que le sentiment de jalousie, oui. Oui. Et toute sa violence et avec les années, avec les expériences, c'est un sentiment qu'on essaye de dompter, mais il n'y a rien à faire. Il s'exprime différemment. J'ai 45 ans maintenant, je ne suis plus jaloux à 45 ans comme j'ai pu l'être à 20 ans, évidemment. Malgré toute la distance qu'on peut prendre face aux choses, quand on aime, quand on est amoureux, le corollaire inévitable, c'est la jalousie. Et comme j'aime être amoureux, je suis nécessairement jaloux à un moment ou à l'autre. Je pense que quand il y a un déséquilibre, parce qu'il y a toujours un déséquilibre dans une relation, il y a toujours un des deux qui aime un peu plus que l'autre, ou un peu moins. Jouir de la faiblesse de l'autre, ça non. Une relation n'a pas tellement d'intérêt si elle n'est pas vécue sur un pied d'égalité en amour. Voilà. Sinon, c'est trop dur, c'est trop de souffrance, c'est inutile. À moins que vous aimiez vous nourrir de la souffrance d'autrui, ce qui n'est pas mon cas en tout cas. Est-ce que la dispute d'un couple vous inspire comme écrivain? la dispute d'un couple, sûrement... Vous savez, en fait, la littérature, c'est quand quelque chose ne va pas. Donc, une dispute, c'est quand quelque chose ne va pas dans un couple. Donc, de toute façon, c'est un début de dialogue entre deux personnes. Parce que si tout va bien, en fait, les gens ne se parlent guère pour se dire que tout va bien. Donc, on peut dire ça. Mais vous savez, en tout cas, moi, je trouve la dispute très pénible. Donc je pense que c'est quelque chose, la chose la plus pénible dans un couple, c'est la dispute. Donc c'est pour ça en fait qu'existent les ruptures peut-être. C'est pour, ou la rupture peut-être s'est fait aussi pour que l'histoire s'interrompe avant que les disputes deviennent épouvantables. Freud disait que la santé psychique, c'était pouvoir aimer et travailler. Donc, oui, mais il disait pas que ça. Il disait aussi que travailler était beaucoup plus facile qu'aimer. Nathalie Azoulay. Et je pense que c'est pour ça qu'on se jette beaucoup dans le travail et peut-être avec beaucoup plus de parcimonie ou de précaution dans l'amour. Et encore une fois, il parlait là de son point de vue à lui, qui était un point de vue masculin. Mais je pense que le travail est plus facile que l'amour. Et il enlève moins d'énergie, même s'il est très éreintant. Est-ce que c'est possible, Nathalie Azoulay, d'aimer sans s'inquiéter ? De mon point de vue, non. De mon point de vue, non, parce que je pense que ce n'est jamais gagné, ce n'est jamais posé, ce n'est jamais acquis. Donc, si c'est pas acquis, c'est que c'est intranquille, et si c'est intranquille, on s'inquiète. Mais bon, moi, je ne suis pas non plus à défendre la tranquillité et l'absence d'inquiétude. Je pense que je suis un tempérament inquiet et dans tous les domaines de la vie et pas seulement dans l'amour. Donc, c'est la seule méthode que je connaisse, mais ce n'est même pas une méthode, c'est comme ça. Like Leo in the Revenant, Abel in that Bible bit. Revenge is sweet, isn't it? Really, really hope for it. I know that it won't fix a thing. Song like this that I can sing for you. All the feels you make me do. Nightmare fucking coming true. Wish I was a lawyer, I would sue you. You take your dog, take your house, take your shoes, take your heart. Well, in the beginning we felt like we was meant to be. I fell for you and skinned my knee, but hell with any injury. Eventually you'll get up gingerly. Feels like it'll take a century to heal, but just know that I will. Apollinaire. L'écrevisse. Incertitude. Ô mes délices, vous et moi, nous nous en allons comme s'en vont les écrevisses. À reculons. À reculons. Je ne pense pas que l'homme joue au début à se rendre inaccessible. Ça, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a différents tempéraments, plus ou moins romantiques, entre guillemets. Mais ce dont on parlait, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que le couple est installé dans la durée? Comment faire pour entretenir? Et là, je dirais que les femmes ont plus de ressources que les hommes. Beaucoup plus. Enfin, moi, c'est mon expérience, en tout cas, m'inciterait à le penser. Et puis ce que nous disent les témoignages des uns et des autres, y compris dans la presse féminine notamment. Ce qu'on lit, c'est « Bon voilà, il y a mon mari, on a les enfants, machin, mais voilà, il ne m'emmène plus aussi, les vacances, c'est toujours machin, ses parents le week-end. » C'est ça qu'on entend. Non, c'est pas un peu ça. Moi, j'ai ce sentiment-là que les femmes, et moi, je sais que j'ai dans mes livres, c'est quelque chose que j'exprime assez souvent, mais que les femmes sont beaucoup plus ouverte que les hommes à renouveler les choses. Mais je reviens sur cette histoire de « fuis-moi, je te suis ». C'est malheureusement, à différents degrés, peut-être pas de façon aussi tranchée que l'expression semble le dire, mais c'est vrai. Mais c'est tellement vrai. J'ai l'impression que se faire désirer, ça veut pas dire... se rendre distant de façon ostentatoire. Mais on n'est jamais finalement autant sollicité que lorsqu'il y a un petit halo de mystère. Que tout simplement lorsqu'on s'appartient. C'est-à-dire que lorsque on n'est pas trop dépendant des autres. Lorsqu'on sent que quelqu'un se suffit à lui-même ou à elle-même, j'ai l'impression que ça réveille instinctivement chez l'être humain une volonté de s'approcher de cette espèce de formule qui fait que cette formule de liberté, je dirais, cette, où on a envie d'en recueillir un petit peu pour soi. C'est-à-dire que dans le long terme, en tout cas, ça éveille une forme de respect. Et ça marche à tous les coups, j'ai envie de dire. Le Pan. En faisant la roue, cet oiseau dont le pénage traîne à terre apparaît encore plus beau, mais se découvre le derrière. Et vous, qu'est-ce que vous faites exactement? Nous, nous voyageons de ville en ville, nous représentons des motos, des bicyclettes et des bateaux, la route est notre domicile. Un jour ici, un jour ailleurs, nous vivons libres et sans attache, lutins farfelus et potaches, courant de bonheur en bonheur, préférons au pire. Et est-ce que vous écrivez, Agnès de Sarre, des lettres d'amour ou des mots d'amour? Ou bien vous pensez que c'est se bercer de mots? Ah non, je trouve ça très très important, les mots d'amour. Dans l'amour, ça me semble indispensable. Et j'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour qui se terminent parce que les mots n'ont pas été dits ou pas entendus. Et que c'est bien dommage. Parce que franchement, c'est pas si difficile, ni si cher, ni si compliqué. Donc c'est très important. Oui, je peux écrire des lettres d'amour, j'en ai écrites. Et quand j'écris pas de lettres d'amour, puisque j'ai la chance de vivre avec la personne que j'aime, donc ça n'est pas... Enfin, je peux lui écrire quand même, hein, ça m'arrive. Mais c'est moins fréquent et moins... Comment dire, c'est moins une nécessité que quand vous êtes éloigné, parce qu'il y a aussi ça, il y a le éloigné ou empêché. Ou... Mais j'écris, je continue à écrire, à utiliser ce terreau ou ce levain pour écrire des chansons. Donc j'écris, il m'arrive d'écrire des chansons d'amour qui sont des choses abstraites, là, pour le coup. Mais c'est juste utiliser cette substance et en faire quelque chose qui ressemble à une lettre, parce que c'est souvent adressé, c'est court, ça ne parle que de ça. C'est pas une scène à l'intérieur d'un grand tout. C'est juste ça, juste un petit message, un message amoureux. Et ça, c'est très agréable à faire. C'est très intéressant à manier. Et d'ailleurs, les chansons... Je sais qu'un des outils que j'utilise pour écrire l'amour dans mes livres, ce sont justement les chansons. Principalement des chansons de jazz, beaucoup de chansons écrites par Cole Porter. D'une part parce que c'est une version très condensée de l'amour, assez souvent humoristique. C'est encapsulé, quoi. C'est vraiment bref. Donc on a le petit stimulus, on a l'éclat, on a comme un petit le flash, hein, comme le reflet du soleil à un moment sur une vitre. Donc on le capture très bien, on le capture très rapidement. Et il y a la musique. Et il y a certains moments dans certaines chansons où, parce que c'est cet accord sous ce mot-là, ça illumine le mot, ça l'enchante comme jamais il a été enchanté. Et il vous réenchante en retour. C'est-à-dire que tout à coup, le mot « main », vous l'écrivez, vous dites... Oh, la main! C'est étrange, hein, mais ça marche. Et cet enchantement, il faut pouvoir en être le siège, le lieu pour pouvoir le transmettre. Donc, il m'arrive de recourir à cet enchantement-là, soit en écrivant moi-même, soit en écoutant tout simplement ces chansons-là. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi, perché non sanno più cos'è l'amore, il vero amore, per sempre unito dal cielo, nessuno in terra, anche se vuole, può separarlo, mai l'ha detto lui, siamo la coppia più bella del mondo. Qu'est-ce qu'elle dit, Agnès de Sarre, d'humoristique, ces chansons? Pourquoi elles sont... Donc elles ne sont pas sombres? Ah, il y en a qui sont sombres. C'est un peu le principe de la chanson, c'est comme une nouvelle, une chanson bien écrite, vous avez une histoire, un développement et un retournement de situation, idéalement. Et ça, en 3 strophes, parfois 2, c'est court quand même. Alors c'est ça qui crée aussi parfois la drôlerie, c'est que c'est la condensation extrême des sentiments. Par exemple, je pense à une chanson qui me vient en tête, qui est « It's all right with me », en gros « Ça m'ira bien », et qui dit « C'est pas le bon moment, c'est pas la bonne heure, c'est pas la bonne tête, ton sourire n'est pas son sourire, mais bon, ça m'ira bien quand même ». c'est pas la bonne chanson, c'est pas le bon rythme, c'était un. Et en fait, cette chanson qui paraît, elle dit, il faudrait que j'oublie quelqu'un, il faudrait que j'oublie en fait l'amour d'avant. Mais bon, les conditions sont pas réunies, mais il faut tellement que j'oublie l'amour d'avant. Et toi, tu veux pas oublier ton amour d'avant? Et en fait, cette chanson qui pourrait être complètement désabusée, puisque c'est un peu un pis-aller, quoi, c'est dire, bon, écoute, on va se mettre ensemble parce que... Et en fait, à cause de la musique qui est derrière, qui est incroyablement joyeuse et entraînante et folle, hein, en fait, quand on l'écoute, on se dit, en fait, ça marche. Et c'est la force du nouveau désir. Et ça, par exemple, c'est l'effet du mélange. C'est-à-dire que juste écrit à plat, ça ne donnerait pas cette impression. L'humour, il vient aussi de la confrontation, du contraste entre ce que raconte la musique et ce que raconte le texte. C'est un exemple parmi mille, hein, mais il y en a beaucoup. Et pour ceux qui connaissent cette musique, très souvent, l'humour est contenu dans ce qu'on appelle le verse, qui est la chose parlée, en fait. C'est une sorte de petit morceau parlé avant, où on raconte des tas d'histoires qui en général sont très drôles et qui précèdent le chant d'amour. Et j'aime bien ça aussi, c'est un chouette procédé parce que ça crée une sorte de détente et de distance qui permet d'accepter l'énormité du sentiment amoureux qui est quand même pas simple à rencontrer. Et là, ça crée voilà une sorte de distance qui le rend abordable. Place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, but such a charming face that it's all right with me. It's the wrong song with the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not his smile, but such a lovely smile that it's all right with me. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. Mathieu Berman, vous avez publié un roman chez POL, Amour sur mesure, où il est question de l'amour maintenant et des modalités vraiment actuelles de la rencontre, de la rencontre. Oui, alors de l'amour maintenant, la formule est à la fois, je trouve, juste et pas tout à fait juste non plus. Parce que peut-être c'est surtout sur les modes de rencontre que c'est actuel. Mais finalement, une fois les deux personnes en présence, je pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit propre à aujourd'hui. Et on pourrait retrouver ce type d'amour, je sais pas moi, au XVIIIe siècle. Voilà, donc c'est vrai que c'est une sorte de paradoxe entre l'hyperactualité des réseaux sociaux pour se rencontrer. Et une fois deux personnes en présence, c'est, je crois, assez intemporel. Vous m'avez répondu, mais je reviens. Vous ne pensez pas, Mathieu Berman, qu'il y a que le sentiment amoureux est affecté par l'époque? Si, je pense effectivement que chaque époque développe un modèle dominant, en quelque sorte, d'amour, de couple. Si, tout à fait. Bah, les choses, aujourd'hui, sont assez institutionnalisées, en quelque sorte, avec le mariage qui s'étend aux homosexuels, par exemple, ce qui est très bien. Mais, par exemple, on se rend compte que, dans les siècles précédents, mariage et amour, mariage et sentiment, c'était tout à fait dissocié. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les dissocier aujourd'hui, mais prendre conscience que, par le passé, c'était autrement peut nous permettre une liberté aujourd'hui et de se dire qu'il y a un modèle, mais finalement qu'il peut y en avoir d'autres. Je ne sais pas aujourd'hui comment c'est. J'ai l'impression que à la fois les choses sont faciles et que les gens se compliquent la vie aussi. Qu'ils pensent voir de l'amour là où il n'y en a pas forcément, et parfois ils sont incapables de voir là où il y en a, et même si ça ne correspond pas à la définition amour. Le problème d'amour, c'est ce singulier qui est assez embêtant et qui recouvre mal les différentes réalités que peuvent prendre ce sentiment. Alors à la fois aussi le singulier assez pratique, parce qu'on peut le mettre aussi un peu sur, c'est un mot qu'on peut plaquer sur toutes sortes de sentiments, et le narrateur dans le livre n'est jamais tout à fait sûr que le lien qu'il a avec la personne soit de l'amour, mais il a tout intérêt à le penser quelque part, c'est bien. Mais donc l'amour d'aujourd'hui, je pense que c'est difficile de parler de l'amour d'aujourd'hui, parce qu'on a la conscience historique, si on regarde un peu la manière dont les personnes s'aimaient avant, mais on manque de recul par rapport à notre propre époque. Et puis, je sais pas, j'aurais peut-être tendance à décrire l'amour de jeu en fonction de moi, de la manière dont je le vis, et ce qui ne serait pas forcément non plus représentatif d'une époque, d'une génération, je ne suis pas sûr. En revanche, ce dont j'ai l'impression d'être sûr, c'est que il y a un certain romantisme, et dans le sens... un certain esprit de conservateur chez les très jeunes vis-à-vis de l'amour. Ils ont une idée très précise de ce que doit être l'amour, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Chez les très jeunes, 15, 16, 17 ans, j'ai l'impression. Et du coup, ils reçoivent parfois la littérature qui parle d'amour, et pas forcément de manière, justement, une histoire d'amour où tout se passe bien. Personne n'écrit de livre dessus, en quelque sorte. Et donc, s'il n'y avait pas de désir déviant, s'il n'y avait pas d'infidélité, il n'y aurait pas de littérature. Et parfois, certains ont une visée réprobatrice de ce que... Voilà. Mais je ne sais pas si c'est une partie de la population. C'est une certaine jeunesse, peut-être, et pas forcément... On ne devait pas se voir mercredi. Mercredi ? Ben, on ne devait pas s'appeler ? Non, c'est toi qui devais m'appeler. Moi ? Comment, moi ? Je t'ai dit que j'appellerais, t'en es sûr ? Tu t'en prie. Attends, je m'en souviens pas. Est-ce que j'ai dit que j'appellerais moi ? Mais je m'en souviens pas non plus. Déprime cette conversation. T'es sûr qu'on avait précisé les choses à ce point ? Alors là, j'ai complètement oublié. C'est bizarre. Hein ? Bizarre ? C'est pas si bizarre que ça, ça arrive une fois sur deux, arrête. Pourquoi t'as pas appelé, toi ? Bon, Denis, on va arrêter cette chose-là, cette espèce de relation merdeuse à la petite semaine. On va arrêter tout ça. Ça changera pas grand-chose, mais ce sera clair, au moins. Hein ? Cette relation merdeuse, tu dis ? C'est une image. Oui, une image forte. Hein. Ta relation à la con, si tu préfères. Ben oui, à la limite, je préfère. Bon. C'est toi qui décides. Comme d'habitude. Il est rare, ne pensez-vous pas, qu'une séparation après une histoire d'amour se fasse sur des termes parfaitement raisonnables de part et d'autre. Assumés. Même si une séparation se fait d'un commun accord, je pense qu'il y en a toujours un des deux qui aurait peut-être aimé rester. Et une relation sans infidélité, Nicolas Farke, vous en avez entendu parler ? Parce que vous dites une relation sans déséquilibre, j'ai jamais vu ça. Une relation sans infidélité ? Ah oui, bien sûr. Bah oui, oui, bien sûr. Bah, je me demande comment peut subsister une relation où l'infidélité est... Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'est pas arrivé d'être infidèle dans ma vie. Je dis juste que si on parle de relation, entendons-nous sur les termes d'une vraie relation ou de cohabitation provisoire. Mais en tout cas, non, à partir du moment où on vit une histoire d'amour, l'infidélité, je pense, doit être exclue. Mais en même temps, et c'est ça qui est terrible, c'est que cet amour pur dont on veut bien parler, et ça aussi, c'est un sujet dans mes livres, sur... Quel est-il exactement lorsqu'on choisit de renoncer à du désir pour d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'ensuite on donne à l'intérieur de ce champ, on va dire, restreint, en fait, de nos aspirations, de ce qu'on donne à l'autre ? Jusqu'à quel point on peut le mener ? Qu'est-ce qui peut régénérer ? Enfin, là, je pose presque des questions de magazine, si vous voulez. C'est-à-dire, voilà, comment faire durer le couple ? Ça, c'est une vraie question. Et à partir de quel moment on agit mal ? À partir de quel moment on trahit ? Est-ce que c'est penser ? Est-ce que c'est faire ? Qu'est-ce que c'est que la trahison ? Qu'est-ce que c'est que le premier mauvais geste ? Est-ce qu'on s'enferme en s'aveuglant ? Ou est-ce qu'au contraire, on respecte l'autre ? Est-ce qu'on a le droit ? Parce que c'est un assassinat de quitter quelqu'un. C'est extrêmement banalisé, puisque c'est dans le langage courant. Ah ben, je l'ai quitté. Mais vous pouvez assassiner quelqu'un. Et vous ne passerez pas devant la justice pour ça, puisque de la même façon que des couples se forment, des couples se défont. Que faire de cette conscience qu'on a d'assassiner quelqu'un lorsqu'on veut partir ? Ah non. Une émission sur l'amour. Vous êtes amoureuse, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous les gens que vous avez reçus, qui ne sont peut-être pas dans cette émotion-là nouvelle et première. Et rien. Ah non, c'est pas possible. C'est déloyal. Vous l'avez rencontré comment ? Vous êtes rencontré comment ? Non, attendez, j'arrête deux secondes. Non, mais vous, rentrez, vous vous parlez. Dans un an et un jour, si personne n'est passé réclamer notre amour aux sentiments trouvés au milieu des portails et des parapluies percés, je serai bien capable de venir te chercher. Avec Grégoire Bouillet, Agnès de Sarthe, Mathieu Berman, Régis Geoffrey, Serge Jeancourt, Patrick Lapeyre, Nicolas Fargue et Nathalie Azoulay. Extrait de film Le mépris de Jean-Luc Godard, Femme au bord de la crise de nerfs de Pedro Almodovar et Un air de famille de Cédric Clapiche. Gauchère-China Isabelle Fort-Rendu, lecture Maëlle Genet et Philippe Cariou, mixage Claude Niort. C'était L'amour et les écrivains, Virginie Bloch-Léné et Clotilde Pivin. Aux pages déjà cornées, dans un an et un jour, si personne n'est passé, réclamer notre amour aux sentiments trouvés. Au milieu des portails et des parapluies percés, je serai bien capable de venir te chercher. Dans un an et un jour, c'est ce qu'attendent les cuirs en serviettes et blousons pour enfin ressortir. C'est un compte à rebours pour lunettes de soleil que l'on des cartons empêche de voir le ciel. Dans un an et un jour, si personne n'est venu réclamer notre amour aux sentiments perdus, au milieu des cartons et des portefeuilles vidés, tu serais bien aimable de venir me chercher. Dans un an et un jour, c'est ce que se disent les clés et les bouquins de poche aux pages déjà cornées.